إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, on va parler aujourd'hui, inshallah ta'ala, du mérite du noble Coran et du mérite de sa récitation et sa lecture et de multiplier celle-ci. Le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des paroles qu'il a réellement prononcées subhanahu wa ta'ala et que Jibril alayhi salam a écouté et a transmis à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a transmis ce Coran à sa communauté. Et sa communauté a commencé par les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ceux se l'ont transmis génération après génération. C'est donc le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui que le faux n'atteint d'aucune part, ni par devant ni par derrière. C'est une révélation émanant d'un sage, d'un digne de louange, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Ce Coran, il est source de guider, c'est une lumière, et c'est Al-Furqan, le discernement, celui qui distingue entre le faux et la vérité. C'est aussi une miséricorde, et c'est le droit chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est porté garant de la préservation et la protection du Coran. Ainsi, nulle altération, nulle transformation, ni changement ne peut l'atteindre, car ce livre est préservé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il restera donc ainsi pour guider la création, et ce jusqu'à la venue de l'heure. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 9 de Surat al-Hijr, « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. » En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, c'est-à-dire le Coran. Et c'est nous qui en sommes protecteurs. Donc le Coran, il restera tel qu'il est. Il restera préservé par Allah subhanahu wa ta'ala, et ce jusqu'à la venue de l'heure. Autant que pourront essayer les altérateurs, les négateurs ou les mécréants de déformer ce Coran ou d'altérer ce Coran, alors leurs efforts sont vains, car Allah subhanahu wa ta'ala s'est porté garant de la protection et la préservation de son noble livre, et ce jusqu'à la venue de l'heure. Donc, le Coran, il a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'on le récite, et afin qu'on le mette en pratique. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son noble livre, dans Surat Fatir, au verset 29 et 30, « Inna alladhina yatluna kitab Allah » Ceux qui récitent le livre d'Allah, « wa aqamu s-salah » et accomplissent la prière, وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً et dépensent en secret et en public de ce que nous leur avons attribué. يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ ils espèrent ainsi faire un commerce qui ne périra jamais. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ afin qu'Allah les récompense pleinement. وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ et qu'il leur rajoute de sa grâce. إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ Il est pardonneur et reconnaissant. On voit donc à travers ce verset qu'il ne suffit pas de lire le Coran, mais il est également demandé de le mettre en pratique. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ceux qui récitent son livre en disant « Ils accomplissent la prière, ils dépensent en secret et en public de ce que nous leur avons attribué, ils espèrent ainsi, par leur lecture et leurs œuvres, faire un commerce qui ne périra jamais. » C'est-à-dire que leurs œuvres, c'est un commerce qu'ils font avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala les récompensera alors pleinement pour cela et il leur rajoutera de sa grâce, car Allah subhanahu wa ta'ala est certes pardonneur et reconnaissant. Ce Coran donc, c'est le meilleur des livres qu'Allah a révélés. C'est le plus immense, le plus noble et c'est le dernier. Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait prévaloir sur tous les autres livres qu'il a révélés. Il est venu confirmer ce qui se trouvait comme vérité dans les livres précédents et réfuter les altérations et les transformations qui ont eu lieu sur les livres qu'il a révélés avant. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat An-Naml au verset 76: Inna hadha al-Qur'ana yaqussu ala bani Israil akthar alladhi hum fihi yakhtalifun. Ce Coran raconte aux enfants d'Israël la plupart des sujets sur lesquels ils divergent. Wa innahu lahudan wa rahmatun lil mu'minin. Et il est pour les croyants un guide et une miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala a aussi dit dans le verset 48 de Surat Al-Ma'ida: Wa anzalna ilayka al-kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitab wa muhaiminan alayhi. Et sur toi, nous avons fait descendre le livre avec la vérité, pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Le Coran donc, c'est le meilleur des livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Et il est venu abroger tous les livres qui sont venus avant lui. Il a confirmé ce qui s'y trouvait comme vérité et il a réfuté les altérations que les hommes y avaient ajoutées. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donc placé dans ce Coran ce qu'il n'a pas placé dans ses autres livres. On y trouve l'exposé de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que les informations concernant le passé et l'avenir, et ce jusqu'à la fin de ce bas monde. On y trouve également les informations liées au jour de la résurrection. On y trouve également l'exposé des règles religieuses et le jugement sur tout ce sur quoi les gens ont divergé. Ce Coran est venu clarifier la vérité du faux. C'est pour cela qu'il est appelé Al-Furqan. Il distingue la vérité du faux. Et également, il a exposé les récits des communautés précédentes, ainsi que les récits des messagers, alayhim salat wa salam, et de ceux qui ont cru en eux, ainsi que de ceux qui les ont démentis et ont mécru en eux. Allah subhanahu wa ta'ala nous a raconté dans son noble livre qu'est-ce qu'il est advenu de ceux qui ont mécru aux messagers, alayhim salat wa salam. Et également, il nous a raconté comment il honore ceux qui lui obéissent en les soutenant, en leur accordant la victoire et la suprématie sur tous ceux qui s'opposent à eux. Allah subhanahu wa ta'ala a également mis dans son noble livre des paraboles, des récits et des leçons, et ce afin que l'on médite. Il nous a décrit le paradis ainsi que l'enfer. Il nous a décrit les caractéristiques des croyants, les caractéristiques des hypocrites et les caractéristiques des mécréants. Tout ceci est présent dans le Coran, le noble livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a éclairci le tawhid, il a éclairci la croyance, il nous a exposé ses noms et ses attributs subhanahu wa ta'ala. Dans ce noble livre, il nous a ordonné de l'adorer seul en lui vouant un culte exclusif et de délaisser l'adoration de tout autre que lui. Il nous a mis en garde contre le shirk, contre le polythéisme, et il nous a exposé les différentes sortes de polythéisme, et il nous a également exposé tout ce qu'il y a à la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Donc ce Coran, il contient une science immense, dont seul Allah subhanahu wa ta'ala a connaissance pleinement. Le savant, lui, il nous décrit ce qui se trouve dans le Coran à hauteur de sa science, mais ce qu'il ignore est bien plus grand encore. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans ce Coran une science abondante que nul parmi sa création ne peut cerner pleinement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a encouragés à réciter son livre et à multiplier sa lecture, mais également à le méditer et à le mettre en pratique. Il a dit subhanahu wa ta'ala au verset 29 de Surat Sad: Kitabun anzalnahu ilayk mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Voici un livre béni que nous avons fait descendre à toi afin qu'ils méditent sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Donc l'objectif de la lecture du Coran, ce n'est pas simplement que tu passes sur ces versets, que tu termines sa lecture même des dizaines de fois. Ce n'est pas ça la finalité. Mais la finalité et l'objectif, c'est que tu profites du Coran, que tu profites des enseignements présents dans le Coran et que tu mettes en pratique le Coran. Et la lecture, c'est un moyen afin de te permettre de prendre connaissance des enseignements du Coran et de pouvoir les mettre en pratique. Bien sûr, la lecture en elle-même, c'est une œuvre pieuse que tu dois vouer à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu ne dois pas te contenter de cela. Tu ne dois pas te limiter à la lecture. Mais il est indispensable que tu mettes en pratique ce Coran. Il est indispensable que tu médites sur ces versets, que tu réfléchisses sur ces sens, et ce afin que tu profites de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certes, il est venu dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque lit une lettre du livre d'Allah, alors il a pour celle-ci une hasana, une récompense. Et la hasana, elle équivaut à 10 semblables à elle, c'est-à-dire qu'Allah la décuple. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne vous dis pas que alif lam mim est une lettre, mais alif est une lettre, lam est une lettre et mim est une lettre. Donc pour chaque lettre que tu lis du Coran, tu as une hasana. Et la hasana, elle équivaut à 10 semblables à elle. Car Allah subhanahu wa ta'ala décuple les récompenses. Donc, la récitation du Coran, elle t'est demandée. Il est demandé que tu récites le Coran, que tu lises le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi que tu le mettes en pratique et que tu comprennes ses sens. Tout ceci t'est demandé. Tout ceci est attendu de toi. Car sinon, celui qui lit le Coran, mais qui ne le met pas en pratique, alors ce Coran, ce sera une preuve contre lui au jour de la résurrection. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le Coran est une preuve pour toi ou contre toi. C'est une preuve pour toi si tu le mets en pratique, que tu agis en fonction de ses enseignements, que tu rends licite ce qu'Allah a rendu licite et que tu interdis ce qu'Allah a interdit. Mais c'est une preuve contre toi si tu ne le mets pas en pratique. Si tu le délaisses derrière toi, alors le Coran, ce sera ton adversaire au jour de la résurrection. Ceux qui lisent ce livre et qui s'y opposent et qui ne le mettent pas en pratique, mais qui laissent le Coran derrière eux, alors le Coran, il va les pousser au feu. Car ce sera une preuve contre eux au jour de la résurrection. Alors que celui qui lit le Coran, mais qui suit le Coran, qui met en pratique les enseignements du Coran, qui agit en fonction des règles du Coran, alors le Coran, il va le guider au paradis. Donc, soit tu mets le Coran devant toi et tu suis ses enseignements et tu mets en pratique le bien qu'il t'indique, alors le Coran te conduira au paradis. Ou bien tu laisses le Coran derrière ton dos, alors il te poussera vers le feu et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, au verset 19 de Surat al-An'am, وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. Ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par lui, vous et tous ceux qui l'atteindra. Le Coran donc, c'est un avertisseur. Et c'est une preuve pour ou contre toi. C'est une lumière pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala accorde la réussite. Et après la révélation de ce Coran, il n'y a plus d'excuse pour personne. Toute personne à qui le Coran est parvenu et qu'il l'a compris, alors il n'y a plus d'excuse pour lui auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a exposé dans ce Coran la vérité et il l'a distingué du faux. Il nous a clarifié la guidée de l'égarement. Donc, quiconque lit le Coran, profite de ses enseignements, le met en pratique, alors il sera parmi les bienheureux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque se détourne du Coran, alors il sera parmi les malheureux. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 124 de Surat Taha, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَا. Et quiconque se détourne de mon rappel, c'est-à-dire du Coran, il mènera alors une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. Il dira, ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais? قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Allah lui dira, de même que nos signes t'étaient venus et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu es oublié. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de me placer ainsi que vous parmi les partisans du Coran, ceux qui préservent les limites du Coran, qui le récitent comme il se doit, qui le mettent en pratique et qui suivent sa guidée. Wa sallallahu wa sallim wa barik